Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui comme on gagne le pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Ah non, c'est interdit. C'est interdit d'avoir Georges Brassens sur un bambin dada. Ah non, interdit, il n'a pas les droits d'auteur, c'est interdit. Je crois qu'on va censurer le morceau. On va censurer le morceau. Ah oui. Eh ben non, on censure pas, parce qu'en fait, eh ben on s'en fout de la censure. Et cette musique, justement, elle compte la censure. Donc on disait... Turlupin, je ne pense plus merde de Paris, mais je le dis. Merde, la censure. Merde, ça fait trop longtemps que ça dure. Merde, tous les tabous. Merde, nous castrons les yakous. Merde, la censure. Merde, ça fait trop longtemps que ça dure. Merde, à tous les tabous. Merde, nous castrons les yakous. Petit con, salut, c'est moi, Dada, prends ça dans le fion et je vais t'expliquer pourquoi. Je dénonce sur place cette censure abusive, je veux lui botter son as, je dis pas comme dans sa liste. Putain, ça te fait pas chier, toi, qu'à chaque fois qu'il y a un gros mot, ça fait boum, boum. Putain, mon gars, écoute, ça, je lâche un putain de flow et la censure, je la nique. J'en ai marre qu'on ne puisse pas parler comme on veut. J'en ai marre de tout ce langage bourgeois. J'en ai marre, je suis issu du peuple, je suis un gueux. J'en ai marre, alors dis des gros mots, tais-toi. J'en ai marre qu'on ne puisse pas parler. Parler comme on veut, j'en ai marre de tout ce langage bourgeois. J'en ai marre, je suis issu du peuple, je suis un gueule. Ouais, trop marre. Alors dis des gros mots et ferme-la. Merde, à la censure. Merde, ça fait trop longtemps que ça dure. Merde, maintenant la tabou. Merde, nous castrons les yakous. Merde, à la censure. Merde, ça fait trop longtemps que ça dure. Merde, à tous les tabous. Merde, nous castrons les yakous. Les tatous, ça sert à décorer. Les tabous, ça sert juste à faire chier. C'est les sujets que tu n'as pas le droit d'aborder. Sinon ton interlocuteur, il risque d'être choqué. Mais dis-moi, elle est où la liberté d'expression? Ce que tu dis un truc pas bien et que tu te retrouves en prison. Il y a aussi des visas censurés à la télévision. Ils ont la tête en petit carré, genre ils sont plus déniants. À côté de ça, tu regardes le 20h. Mais ils ont pas honte de te montrer toutes ces horreurs. T'as plein de films à la con, interdits au moins de 12 ans. Mais les infos sont accessibles à tous les petits enfants. En gros, si tu veux t'exprimer librement, suffit que tu sois pas connu de la plupart des gens. Effectivement, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais t'auras pas des gros cons pour porter plainte contre tes champs. Merde, à la censure. Merde, trop longtemps que ça dure. Merde, à tous les tabous. Merde, nous castrons les yokos. Merde, à la censure. Merde, trop longtemps que ça dure. Merde, à tous les tabous. Merde, nous castrons les yokos.